soleil tape dans mes neiges et j'ai chaud. Bah, qu'est-ce qu'on en a à foutre, Jean-Pierre, du soleil? Laisse-le briller. Oh, la mer est pleine d'eau et je suis mouillé. Qu'est-ce qu'on en a à péter de la mer? Laisse-la tremper dans l'eau. Et c'est quoi donc cette musique dans mes oreilles? Arrête, Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'on en a à péter de la musique, moi? Les filles sont jolies avec leurs fesses. Comme c'est beau. Mais arrête, Jean-Pierre. On est en vacances. Profite du beau pognon. Bah oui, que ça t'en a foutre. Qu'est-ce qu'on en a pété? C'est super le mois d'août. C'est vrai que c'est super, hein? Et les cours d'été. Ah, regarde, Patrick. Un voilier sur l'eau. Mais qu'est-ce qu'on en a foutre, moi, de ton voilier? Moi, je prends le pognon sans rien foutre. Et puis c'est tout. Et ça, c'est quoi donc? Regarde cette mouette. Elle remue ses ailes pour avancer en l'air. Comme c'est joli. Oh, ça suffit, Jean-Pierre. Tu me gâches mon pognon avec tes équadons. Tais-toi et respire le pognon. Tu as raison, Patrick. Le pognon, c'est tellement bon. Ça va, Patrick? Super, Jean-Pierre. Et toi? Ça va bien, merci. Merci, monsieur Bouygues. Merci, Francis.